Chapitre 15. En somme, et malgré le petit élan de gratitude de Fräulein Kuhräuber, il fallait bien en convenir, la première soirée ne fut pas brillante. Cette même Fräulein, qui sous l'impression du baiser échangé, était entrée si joyeuse au salon, redevint gauche et empruntée dès qu'elle se trouva en présence de ses futures compagnes. Son trouble prit même des proportions pitoyables lorsque Anna la présenta à la princesse, car l'œil de la grande dame, s'il n'exprimait pas comme celui des deux autres l'hostilité ou la malveillance, était incontestablement sévère, et la Kuhräuber, croyant sentir ce regard pénétrant fouiller le tréfonds de son âme, y découvrir l'image ensevelie du défunt facteur des postes, en perdit le peu de sang-froid qu'il restait. Durant tout le repas, que pour absorber une incroyable quantité de saucisses au foie, cela avec un bruit si insolite que les autres convives avaient quelque excuse pour la regarder avec indignation. Anna dut se l'avouer à regret. « Elle a pourtant une âme immortelle, » pensait-elle rêveusement. « Qu'importe comment elle mange les saucisses. Que sont ces vieilles, ces mesquines questions d'étiquette? Je me croirais bien petite de m'en laisser influencer. » N'empêche qu'elle détourne la tête et se consacre tout à sa voisine de gauche, Letty. À vrai dire, elle n'avait d'autre recours. Frau von Treumann et la baronne s'étaient immédiatement assis chacune d'un côté de la princesse et n'avaient d'yeux et d'oreilles que pour elle. Il en alla de même au salon où les trois Anglaises se trouvèrent abandonnées à leurs propres ressources, sauf pour la grosse Kuhräuber qui leur demeurait attachée. Pour éviter cette formation qui les faisait ressembler à deux camps ennemis, Anna essaya de se placer en trait d'union à mi-chemin, mais ce fut peine perdue. La veuve et la baronne semblaient incapables de s'intéresser à personne en dehors de sa noble dame de compagnie. Frank von Treumann en particulier mettait tout en œuvre pour se concilier cette Penheim, dont la présence à Kleinwalde lui avait causé une si vive agitation, sans paraître d'ailleurs beaucoup réussir dans son entreprise. Quant à la baronne, sa froideur naturelle l'empêchait d'exprimer aussi clairement la satisfaction qu'elle ressentait de la présence de la princesse au château. Mais dès qu'elle l'avait aperçue trônant en chair et en os sur le sofa, tous ses doutes sur l'honorabilité de leur hôtesse s'étaient évanouis comme neige au soleil. Ses scrupules s'envolèrent du coup, bien qu'elle ne se départît en rien de son attitude hostile envers Anna. La princesse Ludwig, à la bonne heure. D'abord, c'était la plus grande dame que la baronne eût jamais rencontrée. Puis, elle avait le triple avantage d'être allemande, de ne pas avoir trace de fossette aux joues et de ne montrer aucune velléité de lui presser les mains. Une partie de la soirée s'écoula froide et lente. Au milieu du marasme qui régnait, on annonça Delwig, venu pour parler affaire avec Miss Estcourt. Les nobles dames, soudain intéressées, levèrent les yeux de sur leur tapisserie, tandis qu'Anna descendait au grand salon. « Le régisseur est-il jeune ? » demandèrent-elles d'une seule voix. « C'est un homme marié et déjà d'un certain âge, » répliqua avec froideur Madame de Penheim, démêlant leur intention. Et cette réponse leur ferma la bouche un instant. Mais bientôt la curiosité qui les consumait reprenant le pas sur tout autre sentiment, toutes deux, profitant de l'absence momentanée d'Anna, se mirent à cribler de questions les dames de compagnie. Qu'est-ce que cette Miss Estcourt? D'où tombait-elle? Que signifiait ce genre de vie excentrique? Rien de bon, sans doute. Qui répondait d'elle? Personne, n'est-ce pas? Il y avait dans son passé quelques fâcheux épisodes. Pas moyen d'en douter, etc., etc. Tandis que la princesse essuyait le feu convergent de leur artillerie, répondant çà et là par un mot sec et dédaigneux à ses désobligeantes suppositions, Anna rencontrait dans le vestibule M. Delhomme, en train de se débarrasser de son pardessus. « Vous ? » s'écria-t-elle, les deux mains tendues. Sa venue lui causait, sans qu'elle sût pourquoi, un plaisir plus vif encore que d'habitude. « Manska a reçu une quantité de lettres pour vous, et je vous les apporte en passant. »« Ce n'est qu'un prétexte, avouez-le, un prétexte. » « Vous mourrez d'envie de voir les nouvelles venues. Moi ? Non, je vous assure. Voici les lettres, » ajouta-t-il, produisant le paquet. « Oh, je ne tiens pas à les voir. Je veux dire, elles ne pressent, » fit Anna distraitement. « Quelle masse !» Sa figure s'allongea. « Comment, comment, je croyais que vous attendiez encore neuf protégés. Oubliez-vous que la plus grande partie de votre œuvre est à faire. Je le sais bien, mais pourquoi me dites-vous cela ? Parce que vos lettres ne semblent pas vous combler de joie. Au contraire. Mais je suis un peu lasse ce soir, et l'idée de neuf dames de plus me donne sommeil. » Debout sous la lampe, elle levait les yeux vers lui, balançant le paquet de lettres par la ficelle qui l'entourait. Il crut voir une ombre dans ses prunelles au lieu de deux étoiles qu'il y connaissait bien, et son sourire lui parut teinté de mélancolie. « Si vous avez sommeil, il fallait vous coucher, » fit-il, et tous deux se mirent à rire. « Je me rendais auprès de Delvig, » répliqua Anna. « Il m'attend là, » désignant la salle à manger d'un signe de tête. « À propos, » ajouta-t-elle en baissant le ton, « dites-moi, avez-vous une briqueterie à l'homme ?»« Une briqueterie ? Moi ? Non, pourquoi ?»« Et pourquoi n'avez-vous pas de briqueterie, s'il vous plaît ?»« Parce que je n'ai pas de quoi faire des briques. Il n'y a guère que du sable à l'homme. » « Il dit que nous avons un champ de glaise admirable ici et qu'il faut bâtir un four. »« Qui ça, il ? Delvig ? » ?»« Chut ! Croyez-vous que votre oncle ne l'aura pas fait construire depuis longtemps s'il avait eu de la glaise ?»« Il me faudra chercher ce champ. »« Je ne vois pas du tout où cela peut être. »« Je n'y crois pas. »« Faites attention de ne pas vous embarquer là-dedans à la légère, surtout. »« Cela coûterait un prix fou, n'est-ce pas ? » ?»« C'est plus que probable. »« Et pour ne rien rapporter du tout, en fin de compte. » « Eh bien, il veut me prouver qu'on le ferait pour rien. Il prétend qu'on prendrait tout le bois nécessaire dans la forêt. Et moi, l'idée de couper tous ces beaux arbres m'a fait horreur. »« Si vous avez horreur de quoi que ce soit qu'il propose, il faut le refuser péremptoirement. »« Oh, mais il parle, si vous l'entendiez, il soutient que je doublerai la valeur de la propriété. Je n'en crois pas le premier mot. »« Que je pourrais recueillir deux fois autant de dames pauvres avec une briqueterie en marche. » « À mon avis, vous seriez beaucoup plus heureuse avec moins de dames et pas du tout de briques, » prononça nettement Monsieur Delhomme. Anna demeurait pensive, les yeux fixés sur son doigt mince, autour duquel la ficelle du paquet de lettres, en se balançant, imprimait un sillon de plus en plus rose. « Si vous saviez combien il est affreux de se sentir faible, » reprit-elle enfin en soupirant. « Ma belle-sœur prétend que je suis entêtée, et peut-être en effet l'étais-je avec elle. Mais on change de caractère en même temps que l'interlocuteur, il me semble. » Tout bas, elle ajouta, le regardant avec anxiété. « Il m'est tellement difficile de dire non à cet homme. À Delvig ? Chut. Ma chère Miss Escort, si telle est votre position à cet égard, il est clair qu'il faut le mettre à la porte sans tarder. C'est facile à dire, et qui l'y mettra ? Moi, si vous m'en chargez. Croyez-vous, si vous étiez à ma place, que vous trouveriez si simple de mettre ainsi à la porte un vieux serviteur qui est depuis des années dans la maison ? Certainement, si je le sentais prendre la haute main sur moi. Et si votre oncle, vous l'avez particulièrement recommandé, si vous vous disiez qu'il a toujours été fidèle et dévoué. Dévoué. Dévoué, parfaitement. Savez-vous qu'il a pleuré le premier soir en parlant du pauvre oncle Joachim ? Pleuré, répéta Axel, incrédule. Oui, pleuré. Alors c'était des pleurs de crocodile, ou c'était pour autre chose ? Du tout, c'était à propos du pauvre oncle, j'en suis sûr, il lui portait une affection sincère. Et après tout, ce n'est pas là la vraie question, poursuivit Miss Escort après un silence. La vraie, la seule, c'est que j'ai peur de lui. Peur des scènes qu'il me fera, des cris qu'il poussera. Je suis très capone, savez-vous. Je serai capable de consentir à tout ce qu'il me demandera, si seulement il parle assez fort et assez longtemps. Voilà ce que c'est que d'être une faible femme, ajouta-t-elle en riant un peu tristement. Et lui, il a une volonté de faire. Mais c'est intolérable. Cet homme vous tyrannise. S'écria Axel avec colère. Et les gens en colère, élevant toujours le ton, les éclats de sa voix firent s'ouvrir simultanément trois portes, celle de l'office par où Marie passa la tête pour rentrer dardard à la cuisine et pronostiquer des fiançailles prochaines, celle de la salle à manger où Delvig rongeait son frein, et celle du salon derrière laquelle, par pur hasard sans doute, se trouvait la baronne. « L'ami, c'est là, qui cause avec un jeune homme, » fit-elle en ouvrant ses yeux ronds. « Un jeune homme ?» répéta Frau von Treumann. Ne disait-on pas que le régisseur est d'un âge mûr ? C'est sans doute Axel von Lohm, dit la princesse. Il rentre souvent en passant. Il est notre proche voisin. Il vient évidemment faire sa cour, insinua la baronne, aigre douce. Je ne m'en suis pas aperçu, répliqua froidement Madame de Penheim. Lohm, Lohm, répétait Madame de Treumann. Est-ce qu'il est garçon ? Je croyais tous les Lohm mariés. Ses frères sont mariés tous deux, mais celui-ci est garçon. Les deux invités hochèrent la tête d'un air de sagacité profonde. D'ailleurs, Axel entrait pour saluer Madame de Penheim, et elles purent le dévisager à leur aise. Cependant, bien à contre-cœur, Anna s'en était allée retrouver Delvig. L'entretien fut long et orageux, et le régisseur repartit, furieux, sacrant et jurant dans son fort intérieur, d'abord, dans l'oreille fidèle de sa femme, ensuite, contre le gouvernement des Cotillons, la folie insondable de feu Joachim, et surtout contre le seigneur de l'homme, jugeant avec beaucoup de raison que la fermeté inattendue déployée par Miss Estcourt lui était inspirée par son voisin. Pour Anna, sans se douter des malédictions qu'on appelait sur sa tête, elle était remontée dans sa chambre, si brisée après cette orageuse entrevue qu'elle tomba dans un fauteuil et demeura longtemps assise au pied de son lit sans même trouver la force de se dévêtir.